Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la corrida. Tradition centenaire ou archaïsme barbare? La corrida fait partie de ces sujets qui déchaînent les passions, qui provoquent des polémiques, souvent disproportionnées, comme si le sort du monde en dépendait, mais c'est comme ça. Difficile en effet de trouver quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas son avis sur la corrida. On aime ou on déteste, on est rarement entre les deux. Pour les aficionados, comme on appelle les amateurs de tauromachie, il serait impensable d'interdire cet art qui repose sur des siècles de tradition. La corrida, c'est une culture à part entière, avec son langage, ses codes, ses rituels, ses émotions, disent-ils. Pourtant, en France, 75% de la population voudrait l'interdire, et les corridas sont chaque année moins nombreuses dans l'Hexagone. Il se trouve que la condition animale est sortie du rayon des accessoires, qu'elle est devenue sujet de société. Alors évidemment, un taureau qu'on tue de façon ritualisée pour assurer un spectacle, ça fait grincer des dents. Notre invitée aujourd'hui, Elisabeth Ardouin-Fugier, historienne de l'art et des mentalités. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la corrida et l'abattage des animaux. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juin 2017, à Rennes de Hers-sur-l'Adour. Dans les Landes, la saison des férias bat son plein. Depuis le mois d'avril, des dizaines de milliers de spectateurs se pressent dans les arènes de la région pour voir le spectacle. Au centre du cercle de gradins, sur le sable, un homme au costume délicatement brodé de fil d'or toise une bête immense, le taureau. 500 kilos de muscles, le corps massif, le souffle puissant, l'animal est excité. Lorsqu'il pénètre dans l'arène, il suffit d'imaginer qu'on se trouve sur son chemin et l'effroi nous étreint. La force dégagée par la bête est incroyable. Ce jour-là, l'homme face au taureau, c'est Ivan Fandinho, torero basque. Ils sont trois, mais lui est le plus ancien, le plus expérimenté. La corrida, on le sait, repose sur un rituel. Chaque après-midi, 6 taureaux tirés au sort seront torés par 3 toreros. Au début du spectacle, torero, picaderos, peones défilent dans l'arène, c'est le paseo. Puis les peones, qu'on appellera peones à la française, assistent le torero, font des passes avec leur cap pour jauger la bête, sentir ses réactions et comprendre comment il faudra la torer. Vient ensuite la lidia, le combat, qui se divise en 3 actes, les tercios. Le premier fait entrer en piste les picadors qui, à dos de cheval, affaiblissent le taureau en plantant leur pic dans son échine. Et cela, donc à bien se tenir, le public en principe ne leur pardonne rien. Viennent ensuite les banderilles, ces bâtons harpons décorés que les péons plantent à la base du cou du taureau pour l'affaiblir. Et puis le duel final, bien sûr, le bouquet final. Face au taureau, le matador fait quelques passes avec la muleta, ce sont les faenas. C'est là où se joue tout son art, où se mesure son courage. L'acte se termine par l'estocade, le coup d'épée final, celui qui est censé tuer le taureau. Parfois, la bête ne succombe pas tout de suite et le torero doit s'y prendre à plusieurs reprises. Cet après-midi de juin 2017, il y a de l'ambiance dans les arènes de Hers-sur-l'Adour. Le soleil est au rendez-vous, le public aussi. L'affiche est alléchante, les matadors réputés. Les deux premiers taureaux ont été combattus dans les règles de l'art. Fandinho est même reparti avec l'une des oreilles de son adversaire. Puis c'est au tour de Juan del Alamo, dans son costume brodé de dorures et de fils couleur tabac, d'entrer dans l'arène. Lui, c'est le plus jeune torero du programme. Pour faire honneur à Fandinho, il l'invite à faire quelques passes avec son taureau entre deux plans de banderilles. Ivan Fandinho, lui, porte un costume moutarde et or qui flamboie et tranche avec le tissu rose de sa cape. Il est le spécialiste des taureaux les plus durs, issus des élevages dont les bêtes sont réputées difficiles. Alors, faire quelques passes devant ce taureau ne lui fait pas peur, il en a vu d'autres. Pour le spectacle, il choisit un mouvement particulièrement risqué, la chicuelina. Devant le taureau, Fandinho se drape dans sa cape, tout va bien, Mais tout se précipite, un faux mouvement, oui, juste un faux mouvement. Son pied se prend dans un pan de sa cape, il chute, et au sol, il est sans défense. Alors, en un instant, le taureau renverse l'ordre établi, et le torero en même temps, il en a fait sa proie, et la corne transperce le corps de l'homme. La mort d'un torero espagnol hier en France, Ivan Fandinho, 36 ans, a été encorné par le taureau lors d'une corrida à Air-sur-Adour, dans les Landes. Il est mort à l'hôpital. La précédente mort d'un matador dans l'arène en France remontait à 1921. Le Mundillo est en deuil. Ivan Fandinho vient compléter la liste des 60 matadors tués dans l'arène depuis le XVIIIe siècle et la naissance de la corrida, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les taureaux, eux, sont 40 000 à périr chaque année dans les arènes européennes. L'histoire de la corrida est ancienne. Les premières traces de combat face à des taureaux remontent au XIe siècle sur le territoire espagnol. Et c'est tout naturellement en Espagne que cette tradition va s'installer. Au XVe siècle, la monarchie espagnole met en place les premiers combats organisés dans une arène, héritage des jeux du cirque romain. C'est un combat chevaleresque, à destination des nobles et organisé en l'honneur du roi. Puis, au fil des siècles, la pratique évolue, des règles sont établies pour protéger le torero et encadrer le combat. Et c'est donc au XVIIIe que la corrida prend sa forme actuelle, que les matadors se professionnalisent. À mesure que la corrida se démocratise, elle génère de plus en plus de critiques. L'utilisation des animaux pour le divertissement humain provoque dès le 9e siècle, dès le 19e siècle des réactions. Première institution à dénoncer publiquement la souffrance des animaux, et en particulier des chevaux, c'est naturellement la SPA. En 1855, la Société protectrice des animaux parvient à rendre obligatoire leur protection par un carapasón qui recouvre leur torse et leur flanc, mais pas leur abdomen qui reste à la merci des cornes du taureau. La corrida déchaîne ainsi les passions depuis plusieurs siècles. Passions outrées de défenseurs de la cause animale, tristesse des spectateurs sensibles au sort du taureau, exaltation de ceux qui y voient un combat noble entre la vie et la mort, stimulation intellectuelle pour les artistes qui s'en inspirent. La liste des peintres, écrivains et artistes qui ont puisé leur inspiration dans la corrida est longue. Georges Bataille, Salvador Dalí, Michel Léris, Ernest Hemingway. Interrogé par l'ORTF en 1956, Pablo Picasso, par exemple, explique pourquoi il prend plaisir à organiser des corridas. Avant le début de la corrida, nous allons demander à Pablo Picasso de nous dire pourquoi il y a eu une corrida d'organiser à Valoris et pourquoi il a eu cette idée. Parce que je trouve que la joie, la paix et l'amitié de tout le monde, c'est la chose la plus précieuse du monde. Comment avez-vous organisé cette manifestation, Pablo Mais Picasso? Entre amis, en pensant à apporter cette joie que je veux tant. Est-ce qu'en Espagne, vous assistiez étant enfant à des corridas? Moi, depuis l'âge de je ne sais pas quoi, de 8 ans, j'ai toujours été dans des courses. Et vous pensez en organiser d'autres ici? Oui, oui, j'espère. Merci, maître. Nombreux furent aussi les intellectuels qui se sont levés pour condamner cette pratique. Victor Hugo, Émile Zola, Marguerite Yourcenar, pour ne citer que les plus célèbres, y voient ou y voyaient un rite indigne de l'humanité, faisant du spectacle de la mort d'un animal un exutoire aux penchants les plus cruels de l'être humain. Mais pour les artistes aficionados, cet immoralisme présumé de la corrida en fait aussi une expression des penchants naturels et libidineux de l'homme. Oui, Georges Bataille, par exemple, lit l'érotisme à la mort. Pour lui, la jouissance est une fracture, une petite mort effet du va-et-vient du taureau dans la cape, de l'éventration du cheval, du soulèvement du torero et de l'agonie du taureau, des images évidentes de l'acte sexuel. Bon, pourquoi pas? Pour Michel Léris, le torero pourrait être comparé à Don Juan aux multiples conquêtes, dominant un taureau-femme. Cette dimension érotique, si elle existe vraiment, fascine et nourrit les réflexions d'artistes, de philosophes, de psychiatres, à l'image de celui-là, le docteur Bailly Salin, interrogé par Pierre Veil sur France Inter en 1984. Au fond, le toréador s'érige comme une érection. Enfin, c'est un pénis, quoi, c'est le pénis de la reine. Bon. Il s'érige, hein, et de sa force tranquille et menacée, il arrive à dompter cette autre force impétueuse, qui a cette même dimension sexuelle. C'est donc deux sexes qui s'affrontent dans quelque chose qui est à la fois très homosexuel. N'oublions pas que ce sont deux hommes. Il y a donc là vraiment une dimension sexuelle, comme le prouve bien d'ailleurs la participation alors du public, qui réagit à deux niveaux. hein, au niveau de la connaissance, qui est une protection contre l'émotion, mais aussi, il nous fait participer de cette espèce de maîtrise, j'allais dire de l'éjaculation contrôlée, car c'est bien ça, on éjacule au moment où il faut, c'est-à-dire que l'épée rentre au moment où il faut. Et il y a là quelque chose d'extraordinairement sexuel, comme le prouvent les cris, enfin, ben, qui viennent scander un petit peu ça. Quasi automatiquement, ces gens-là deviennent des fétiches sexuels. Pourquoi pas ? En tout cas, si le sexe est universel, la corrida ne l'est pas. Ses opposants sont nombreux à travers le monde et la pratique n'est autorisée que dans de rares régions où elle s'est ancrée dans la tradition locale. En Europe, elle existe donc en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France. Dans le monde, on la retrouve seulement dans certains pays d'Amérique latine comme le Mexique, le Venezuela ou la Colombie. En Espagne, 18 000 corridas sont pratiquées chaque année, en France, seulement 70. L'histoire française de la corrida remonte à 1852, lorsque, pour honorer l'impératrice Eugénie, Napoléon III décide d'organiser des combats taurins. En France, les fêtes taurines se sont ensuite développées, avec elles, toute leur culture, et surtout une langue hermétique à tous ceux qui n'y ont pas été bercés par cette culture. Muleta, quadrilla, faena, lidia, descabello, autant de termes empruntés à l'espagnol qui forment la sémantique si particulière de la corrida. Jusqu'aux années 80, elle est plutôt marginale, bien que présente dans le sud de l'Hexagone. Quelques rares journalistes s'en saisissent, parfois, et souvent comme objet de fascination, à l'image de ce reportage en 1966 sur l'ORTF. Les arènes sont encore toutes vivantes dans le souvenir de quelques millions d'Européens revenus de vacances. Pourtant, on peut se demander ce que la corrida, en dehors de la curiosité, apporte à une foule souvent ignorante des règles de l'art. À cette question, qui se poserait, semble-t-il, aussi bien pour un match de boxe, les sociologues répondent « le défoulement ». Tandis que, de la cape, le torero amène le fauve au picador chargé de mettre la bête au comble de la colère, et surtout de la fatiguer, pour beaucoup de psychiatres, la foule regarde, chargée de tous les complexes dont elle veut se débarrasser. Et quel complexe ! L'esprit belliqueux des premiers âges, l'instinct d'agression profondément enraciné dans l'hérédité, mais refoulé par une civilisation aimable et polie, et qui donne, selon l'heure ou le lieu, le fou de la route, le chasseur, le danseur de jerk, ou le spectateur de corrida. Et c'est sous la houlette d'un homme, aficionado lui-même, que la corrida va se populariser en France. Cet homme, c'est le maire de Nîmes, Jean Bousquet, qui a incité à l'organisation de corrida dans sa ville. En quelques années, il redonne au feria le rôle d'attraction touristique numéro un dans le sud de la France. Comme dans tout spectacle, la corrida, c'est tête d'affiche. Dans le petit monde de la tauromachie, certains matadors ont marqué leur temps en installant avec eux un nouveau style, une nouvelle école de tauromachie. L'un des noms qui a le plus marqué l'histoire de cet art, c'est El Cordobés, tout droit venu de Cordoue. Né en 1936 à Palma del Río, Manuel Benitez, de son vrai nom, connaîtra un destin digne des plus grandes success stories, et dans les années 60, il sera élevé au rang de star. En 1965, l'émission 16 millions de jeunes sur l'ORTF en dresse le portrait. Voici Manuel Benitez Pérez. À 28 ans, l'ancien maçon et voleur de poulets de Cordoue est devenu idole. Les Espagnols l'appellent le phénomène. Les Français, peut-être à cause de son allure, Johnny Cordobés. Vedette d'exportation, c'est en tout cas à travers lui qu'un nouveau public découvre la tauromachie. Manuel Benitez, dit El Cordobés, naît dans une famille pauvre. Rapidement orphelin, il ne va pas à l'école, ou si peu. Il grandit dans les rues, survit grâce à devenu larcin et se fait connaître des services de police. La tauromachie arrivera sur le tard, vers l'âge de 23 ans, un âge qui, dans le milieu, rime déjà avec retraite, pour certains matadors. Sans trop de succès, en 1959, Benitez commence par les noviadas, ses combats d'entraînement contre de jeunes taureaux. Mais le mundillo le boude, trop vieux, en tout cas pas assez jeune, et pas assez intégré dans le milieu. Et puis son style, sans élégance. En 1960, il s'apprête à abandonner la tauromachie et à quitter l'Espagne pour la France où il envisage de reprendre son métier de maçon. C'est alors qu'il fait une rencontre qui va changer sa vie. Rafael Sanchez, dit El Pipo, marchand de fruits de mer et impresario de torero à l'occasion, décide de lui donner sa chance. C'est lui d'ailleurs qui lui trouve son surnom, El Cordobés. Pour El Pipo, le garçon est un pari. La technique du Cordobés est inexistante. Non, sa seule qualité repose sur son courage. Dans les premiers combats qu'il mène, il ne sait que faire de sa cape, mais prouve une détermination sans faille, retournant toujours au combat, sans faiblir. El Pipo a eu du flair. En seulement une année, El Cordobés explose tous les records et Torres sans s'arrêter. Belle gueule et allure de voyou charmeur, le garçon séduit le public. Avec lui, c'est le frisson. Si sa technique manque parfois de style, répétons-le, les émotions sont-elles toujours au rendez-vous. Quand le Cordobés est dans l'arène, la foule retient son souffle. Rapidement, la notoriété du jeune matador franchit les Pyrénées et en France, c'est tout logiquement en star qu'il est accueilli quand il débarque à Nîmes en 1965. Le Cordobés, avant son départ immédiat pour Madrid, nous a accordé brièvement et dans une bousculade insensée au milieu de jeunes gens hystériques, la seule interview qu'il devait accorder dans la journée. Le Cordobés protesta quand nous lui avons demandé pourquoi il semblait s'assagir, son style paraissant plus classique. Réponse non. Je suis toujours aussi cinglé dans la vie que dans l'arène. Je suis aussi fou depuis que je suis né. Te parece a ti que has cambiado un poco? Yo sigo igual, yo sigo loco desde que nací. C'est la peur qui vous rend nerveux maintenant dans l'arène? Non, le seul animal dont j'ai vraiment peur, c'est le micro. Yo que tengo miedo a bicho este muchas veces. Le destin de Cordobés a bénéficié d'un savant alignement des planètes. Son pays, l'Espagne, vit alors le pendant de ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses. Là, c'est le Desarrollo. El Cordobés en devient un symbole. C'est la réussite des petites gens qui, de l'ombre de la misère, peuvent atteindre la lumière et la richesse jusqu'aux abus de lumière. Dans la musique, le cinéma, le théâtre, d'autres comme lui ont eu la chance de surfer sur les débuts du show business, dont la corrida fait maintenant partie. En France, à partir du milieu des années 80, c'est la diffusion sur Canal+ d'extraits de corrida qui l'élève au rang de spectacle grand public. La chaîne cryptée apporte sa touche branchée, moderne, à la tauromachie, contribuant à augmenter sa popularité. Un engouement qui génère de nombreux nouveaux aficionados, pas toujours bien reçus d'ailleurs par le cercle très fermé des passionnés de la corrida. Mais c'est tout bénéfice pour les toreros, dont la célébrité est décuplée. Déjà starifiés en Espagne, ils deviennent des vedettes en France. La tauromachie est devenue un vrai métier. Comme les footballeurs repérés dès l'école primaire, les toreros font leurs armes dès l'adolescence et s'entraînent dans les nombreuses écoles spécialisées que comptent l'Espagne et la France. Parmi ces vedettes du monde d'hier, on pense aux Manzares, père et fils, d'origine espagnole, au français Sébastien Castella ou encore à Victor Barrio, mort dans l'arène en 2016. La liste est longue des toreros, mais pas vraiment mixte. La corrida reste un monde masculin. Il a fallu attendre les années 90 pour voir une première femme recevoir l'alternative, l'étape par laquelle le torero doit impérativement passer pour devenir torero. Cette femme, c'est Cristina Sanchez, qui devient en 1996 la première femme matador. France 2 en dresse son portrait peu avant sa confirmation. Dans ce pays de tradition qu'est l'Espagne, elle est à elle seule une révolution. Dans ce monde d'hommes qu'est la tauromachie, elle est un défi aux idées préconçues. Cristina Sanchez, 24 ans, a déjà plus de 150 combats comme noviero. Cristina, c'est d'abord l'histoire d'un destin qui bascule à l'âge de 14 ans. Elle est alors la seule des quatre filles de la famille à aimer la corrida comme son père et encore en tant que spectatrice. Et puis ce jour de 1986, elle s'amuse à torer une vachette. Sa décision est prise, contre l'avis de tous, elle sera torero. Comme ils disent, la femme éprouve plus la peur que l'homme. Eh bien moi je dis non, la peur n'a pas de sexe, je peux être plus courageuse qu'un homme et un homme peut être plus vaillant que moi. D'égal à égal, sans passe droit ni faveur. L'histoire ne dit pas si Cristina Sanchez reçoit des cachets similaires à ceux de ses homologues masculins. Car la corrida est aussi une histoire d'argent, où le salaire du matador a atteint des sommes considérables. 100 000 euros la corrida pour les têtes d'affiche et leurs péones, les toreros millionnaires ne sont pas rares. Viennent ensuite les taureaux, aussi lourds en muscles qu'en espèces sonnantes et trébuchantes. comptez entre 20 000 et 100 000 euros pour 6 taureaux, suivant la réputation de l'élevage. En Espagne, le chiffre d'affaires de la corrida s'élève à 2 milliards d'euros environ par saison. En France, en revanche, il est difficile d'obtenir des chiffres fiables, car il règne chez nous une certaine omerta sur le financement des corridas, où les salaires se négocient encore en francs, voire en pesetas. Mais on peut évaluer le prix d'une saison à environ 2 millions d'euros par arène pour l'organisation d'une dizaine de corridas. La tauromachie rapporte aussi, en dehors de l'arène, les férias, les fêtes qui les accompagnent, constituent l'une des principales attractions de l'été dans les Landes, dans le Gers, dans le Pays Basque, à Béziers aussi. Enfin, à Nîmes, rien que pour la feria de la Pentecôte, ce sont plus de 500 000 personnes qui font le déplacement. Oui, la corrida est un business juteux. Un amour. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios llorando por ti. Un amor vivió llorando y atormentado las palabras de Dios. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Yo quisiera un para atender a un amor y saber que me quería y atormentarlo las palabras de Dios llorando por ti. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corral. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corral. Ay, lo la, la, lo la. La feria d'Alès, sous haute surveillance policière ce week-end, le CRAC, le comité radicalement anti-corrida, a appelé à 2 jours de manifestation nationale, aujourd'hui et demain, pour exiger l'abolition des corridas. L'association annonce 5000 manifestants venus de toute la France, chiffre impossible pour l'heure à vérifier. Devant les risques de dérapage, la préfecture a pris ses dispositions. Et si l'on parlait maintenant des choses qui fâchent? Nous sommes en 2013, à Alès, dans le Gard. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre l'abattage des taureaux lors des corridas du week-end, à l'appel du CRAC, le Comité Radicalement Anti-Corrida. L'opposition à cette pratique est née avec la corrida elle-même, mais il a fallu attendre le début de ce siècle pour la voir se structurer en mouvement militant, organisé. Ces modes d'action sont spectaculaires. Les militants n'hésitent pas à perturber le déroulement des courses en s'enchaînant sur le sable des arènes d'Alès, par exemple. Mais le Comité Radicalement Anti-Corrida s'est surtout fait connaître par ses campagnes d'affichage géantes. Le comité a reçu par exemple le soutien du célèbre hôtel Negresco de Nice. En 2005, on pouvait voir sur sa façade une immense pancarte de 4 mètres sur 3 présentant des images de taureaux ensanglantés accompagnées du slogan « Corrida, la honte ». Le CRAC n'est pas le seul mouvement en France. À Nîmes, il est rejoint par l'ASAC, qui choisit la voie des airs pour faire entendre sa voix et survole la ville avec un petit avion porteur d'un slogan anti-corrida. À l'échelle nationale, ses militants reçoivent le soutien de la SPA et de la Fondation Brigitte Bardot. Les modes d'action des militants anti-corrida s'inspirent de la désobéissance civile et des mouvements de lutte contre les discriminations. Tous ont opté pour une stratégie médiatique. C'est que jusqu'alors, dans la lutte entre pros et anti-corrida, les médias penchaient plutôt du côté des pros. Les courses de taureaux sont chroniquées dans les journaux locaux, mais parfois aussi dans la presse nationale, comme le fait le journal Le Monde, par exemple. À la radio et à la télé, ferias et corridas font l'objet de reportages chaque été où les journalistes prennent le plus souvent l'angle de l'attraction touristique et ne mentionnent que rarement la condition d'animal. Au cours de leurs actions, les militants anti-corrida doivent alors faire preuve de pédagogie. Oui, aller au contact du public d'aficionados pour essayer de changer les mentalités. Mais le dialogue est difficile, tant le fossé qui les sépare est profond. France Inter rapportait justement ces échanges au cours d'une manifestation, c'était à Carcassonne en 2002. Hein, c'est le tyran qui a remis la corrida à l'honneur. Tu comprends le spectacle, oui, la corrida, tu oui. Tu comprends le spectacle. La corrida, il y a une culture, monsieur. La culture à la bande. On lui fait dire ce qu'on veut à la culture. Et les traditions, la chasse, etc. Avant, on violait les femmes et on prenait les enfants. On faisait ce qu'on voulait. Pourquoi cette culture ne continue pas? Ces traditions ne continuent pas. Pourquoi celle-là, oui? Pourquoi celle-là, non? Elle a bande la culture. Elles ont bande les traditions. Pour moi, c'est un grand jour parce que, après cette semi-révolution que nous avons subi de la part de ces gens qui aiment les animaux, mais qui n'aiment pas les hommes, pour nous, c'est une grande victoire. Et parfois, ces rencontres dégénèrent. En 2013, lors d'une action contre l'organisation du Noviada, Rayon des Landes, un militant victime d'un traumatisme crânien est évacué par hélicoptère. Bilan de la mobilisation, 8 blessés, dont plusieurs jambes cassées. Quand ils ne sont pas sur le terrain, les militants du CRAC font du lobbying auprès des députés pour tenter de faire interdire la corrida dont l'existence repose sur une loi qu'ils jugent contestable. Il s'agit en fait cette loi d'une dérogation à la loi Gramont de 1850 qui protège les animaux domestiques contre les maltraitances. Pour la loi française, les courses de taureaux sont autorisées au titre de la tradition locale ininterrompue, c'est-à-dire une coutume ancienne transmise de génération en génération sur un territoire donné. C'est cette dérogation, justement, que critiquent les militants anti-corrida, car pour eux, il y a bien maltraitance de l'animal. Pour eux, la culture ne suffit pas à justifier des pratiques qui leur paraissent indignes, tout simplement indignes, d'une société moderne. Et puis il y a les armes. Les piques d'abord, utilisées dans le premier acte de la corrida, équipées à leur embout de lames acérées que plantent les picadors à la base du cou du taureau pour endommager ses muscles et le forcer à baisser la tête. Ainsi, la bête semble chargée alors qu'en réalité, elle n'a pas d'autre choix que de baisser les chines. Les banderies aussi au fonctionnement plus élaboré. Le harpon de métal s'attache aux chairs du taureau et entaille ses muscles un peu plus profondément à chaque mouvement. C'est donc la bête qui augmente sa blessure à chacun de ses pas. Enfin, l'estocade que porte le matador à la fin du combat ne tue pas toujours proprement, si je puis dire. Enfin, d'un coup net. Parfois, souvent même, le taureau doit être achevé au couteau. C'est le moment le plus difficile à supporter également pour le spectateur novice. Et puis, selon les militants du CRAC, le taureau souffre déjà avant d'atteindre l'arène. Les cornes, il faut savoir que l'extrémité des cornes du taureau sont innervées comme une dent. Et ces cornes sont limées et sciées à vif, sans anesthésie, hein, dans un caisson de contorsion où l'animal ne peut pas se contorsionner pour soulager sa douleur. Mmh. C'est-à-dire à peu près une demi-heure. Le but aussi, c'est qu'un animal à qui on vient de couper juste les cordes perd ses repères dans l'espace. Donc ça, c'est très important. On parle d'aiguilles de bois enfoncées dans les onglons. Alors pour le profane, les onglons, ça se trouve où ? C'est entre les sabots, c'est la naissance du sabot. Enfin. C'est la partie la plus sensible. Oui, c'est ça. Ouais. Pâte enduite d'essence, là j'ai pas tellement compris quel était l'intérêt. Ça chauffe. Hein. Ah, oui, bien sûr. Aiguille cassée dans les testicules du taureau. Un taureau n'a pas le droit de s'asseoir. D'ailleurs, souvent dans les photos, il est vraiment affaissé sur l'avant. Absolument. Et toujours, c'est même jusqu'au toujours bout. Pareil, témoignage de vétérinaire taurin. Oui. De vétérinaire. Hein. Mm-hmm. Bon, alors voilà, ça c'est pour clore le coton dans les narines aussi. Pour, il faut qu'il respire le moins ça, possible. Je l'ignorais. Eh ben, oui. Coton dans les narines. Toutes ces techniques que nient les organisateurs de corrida ont été élaborées au fil des ans pour rendre le taureau le moins redoutable possible. Ainsi, l'argument du combat équitable entre l'homme et la bête ne convainc plus. Quelle équité y a-t-il entre un taureau issu de lignées de bêtes à la génétique savamment sélectionnée et au corps déjà meurtri et un torero accompagné d'une dizaine d'assistants armés, interroge les opposants, qui soulignent que le taureau et les chevaux sont les deux principales victimes de la violence du combat. La protection animale n'est pas le seul argument des contradicteurs de la corrida. Le modèle économique des ferias, très souvent déficitaire et financé en partie par des fonds publics, fait lui aussi grincer des dents. En France, le cas de Fenouillé, commune proche de Toulouse, fait école. En 2008, la feria de la ville est interrompue car l'activité taurine est largement déficitaire, les arènes affichant un taux de remplissage que de 53%. L'enquête de la Chambre régionale des comptes décrit une multiplication de fraudes. Conflit d'intérêts, absence de transparence, mise en concurrence, vente irrégulière de droits de télé, bref, une gestion frauduleuse et chaotique qui coûtera son poste au maire de la ville. L'opacité du milieu rend le travail des journalistes difficile, comme l'illustre ce reportage de France 2 en 1989, dans lequel le reporter interviewe des organisateurs français de corrida. Dites-moi, monsieur, moi, je vais vous poser une question, ça va peut-être vous gêner, mais on vous a déjà proposé des enveloppes, on vous a déjà proposé de l'argent pour faire venir un taureau. Vous, non. Non, je vous pose la question à vous, parce que je sais que c'est vrai. Non, écoutez, je pense que c'est un débat que nous ne pouvons pas tenir ici, étant donné que ça mettrait en cause un système dans lequel nous ne voulons pas rentrer. Nous sommes complètement à part de tout ce qui concerne ce problème. Je crois que s'il y en a qui l'ont touché, allez les voir, et peut-être qu'ils vous le diront. Les enveloppes, les pots de vin, les dessous de table seraient monnaie courante dans la corrida. Pourtant, aucun de nos interlocuteurs n'acceptera de le reconnaître. En Espagne, la contestation prend une dimension encore plus politique, voire historique. De l'autre côté des Pyrénées, les combats portent en eux le souvenir d'une époque sombre, le franquisme. Au pouvoir, Franco en avait fait un symbole nationaliste et la corrida en a gardé l'empreinte. Le combat contre la tauromachie est également devenu central dans le discours indépendantiste espagnol. En 2009, porté par la volonté de mettre fin à une pratique qu'ils jugent barbare, et aussi pour se distinguer du pouvoir fédéral, les Catalans saisissent le gouvernement de la région et demandent un référendum populaire. Et en 2010, la corrida est interdite en Catalogne. Massés au pied du Parlement, les deux camps attendaient le verdict. À 11h30 ce matin, les militants anti-corrida laissent éclater leur joie. La raison et la compassion ont gagné contre la barbarie. Nous nous sommes battus des années pour arriver à cela. Quelques minutes plus tôt, par 68 voix contre 55, les députés catalans viennent d'interdire la corrida en Catalogne à compter du 1er janvier 2012. L'onde de choc se propage immédiatement dans toute l'Espagne. Même à Madrid, qui ne sera pas concernée par la mesure, les aficionados sont très en colère. Ce sont ces petites merdes de politiciens catalans qui veulent affecter toute l'Espagne. Vive les taureaux, mort à ceux qui n'aiment pas les taureaux. J'espère qu'on va lâcher des taureaux de combat aux fesses de ces députés. On va voir ce qu'on va voir. En 2014, les eurodéputés votent un amendement qui interdit le financement par les fonds de la PAC des activités liées à la tauromachie. Pour eux, rien ne justifie que les fonds européens soient alloués à une activité très majoritairement décriée par le contribuable. Mais en 2015, la Commission européenne juge l'amendement irrecevable au prétexte qu'il n'est pas possible de distinguer les élevages de taureaux de combat des autres élevages bovins. En France, le Conseil constitutionnel juge la corrida conforme à la législation en 2012. Et en 2016, c'est la Cour constitutionnelle espagnole qui annule l'interdiction catalane. corrida, tradition multiséculaire donc légitime, ou corrida pratique d'un autre âge, indécente et décalée? Évoquer la corrida, c'est agiter le chiffon rouge de la discorde. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la corrida, notre invitée Elisabeth Ardouin-Fugier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien. Je dis ça parce que vous êtes à Lyon. Vous êtes historienne de l'art et des mentalités. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la corrida, dont cet ouvrage très complet aux éditions Alma en 2007, qui s'appelle La corrida de A à Z. Donc, c'est forcément complet. Alors, d'abord, à votre avis, pourquoi tant d'hystérie autour de ce débat? Je le disais en ouverture de l'émission, ça change quand même pas la face du monde. Mais c'est passionnel. Ce débat est absolument passionnel. Pourquoi? C'est difficile de répondre en un mot, et puis je suis plus accrochée comme historienne au fait que, enfin, il y a aussi l'histoire des idées. Bien, ça manipule du sang, et en effet, Théodore Monod voyait dans cet attrait parasexuel une importance, peut-être qu'il exagérait, mais qui existe, indiscutablement. Ce n'est pas si attractif qu'on le dit, puisqu'en expliquant bien aux gens ce que subit l'animal, eh bien, beaucoup de personnes n'y vont plus et il y a ce qu'on peut appeler un déclin général en France et même en Espagne, mais enfin je le connais mieux en France, d'assistance aux corridas. Voilà comment ça évolue. C'est d'ailleurs, on comprend que ça évolue comme ça parce que c'est en décalage avec l'ère du temps. La condition animale est un combat un plus fort aujourd'hui. La connaissance qu'on a de l'animal. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme connaissance de l'animal? On va prendre pour le coup le taureau dans le cadre d'une corrida. Qu'est-ce qu'on a comme connaissance sur son stress et ses douleurs physiques réelles? Les douleurs physiques réelles sont assez faciles à démontrer, notamment par l'emploi de 17 armes, c'est quand même beaucoup, j'appelle armes tout ce qui pique. Hein. Mais surtout, une qui ne se voit guère, mais qui est assez récente, c'est la transformation de la pique, qui est devenue un objet tellement effilé que c'est un bistouri, en quelque sorte monté sur tige, si j'ose dire, monté sur rampe, qu'on ne peut absolument pas attraper avec la main. Donc ses blessures à la pique ont pris une ampleur considérable. Et là, je me fie à l'autopsie qui a été faite à Las Ventas, c'est-à-dire aux arènes de Madrid, en 1998, sur 90 taureaux. Mmh. C'est quand même beaucoup. Et sur ces autopsies de 90 taureaux, on a vu, par exemple, que la profondeur cumulée, artificielle, hein, 3 fois 2, est de la pique. Il reçoit 61 cm 91 de blessure. Ouais. 61 cm 91. Ce que personne ne pouvait soupçonner. Alors, on a bien compris, en 3 fois, hein, 61 cm 91. Je dis pas que c'est dans le même trou. Mais il est certain que un spectateur, comme on dit, lambda, loin, ne peut pas se rendre compte de ce que endure cette bête. Et côté stress, ça se voit pas, c'est trop. Ça se voit pas. Côté stress, alors, qu'est-ce qu'elle peut comprendre d'après les études vétérinaires qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir, la bête? Le taureau, en l'occurrence. Psychologiquement. Hein. La souffrance des non-verbaux est une science très récente. Je l'ai approchée dans mon livre sur l'abattage. Oui, absolument. On a des moyens extrêmement perfectionnés pour la mettre en évidence. Je parle maintenant de l'animal, mais c'est pareil pour les enfants nés prématurément, etc. Je veux dire, ce sont les mêmes procédés. Seulement, on ne l'a jamais faite sur le taureau de corrida, pour les raisons que vous pensez. En revanche, on les a faites sur les animaux, notamment dans le cadre de l'abattage. Et les moyens d'analyse des photos très perfectionnées sont portées, donnent des interprétations totalement nouvelles. À ce point, ceci est un point très important. Donc, il faudrait faire ce même travail, arrêter la corrida et faire des mesures, des essais, des photos, de tout ce qu'on voudra sur le taureau déjà combattu. Ensuite, deuxième événement très important, c'est la découverte scientifique et anatomique de la douleur, très récente, que l'on doit à Monsieur Le Néindre. La première publication est de 2009, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à suivre la trajectoire de la douleur dans un corps vivant et on repère le moment où le cerveau envoie le signal, c'est-à-dire la douleur. Ça veut dire qu'on peut, pardon, donc, oui, je vous en prie, finissez. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui, je vois ça. En gros, si je veux me résumer, oui, la science est capable de montrer la douleur. Bien, alors ça veut dire la douleur, d'accord. Est-ce qu'on peut présumer donc que lorsque le taureau arrive dans ce petit couloir qui doit porter un nom, mais je ne le connais pas, dans l'arène, il ressent, sans forcément comprendre, il ressent qu'il y a un danger, alors pour lui, ou un danger mortel, évidemment, lui, il ne dit pas mortel, mais est-ce qu'il ressent ce stress, cette peur? Étant donné qu'on n'a jamais fait les expériences que je vous dis, ce sont des hypothèses, presque des évidences, mais il y en a une qui est plus grande encore, c'est qu'un taureau enfermé dans le noir ne recouvre la vue totalement qu'en une demi-heure. Or, une corrida dure une demi-heure. Voilà une réponse bien simple. Effectivement. Alors, évidente, les tenants de la corrida, du spectacle, disent c'est une culture liée à un territoire ou plusieurs territoires qui auraient des liens communs, notamment entre le nord de l'Espagne, le Pays Basque, le sud-ouest français. Cet argument de la culture dite ininterrompue, comment vous le recevez-vous? En France, il est faux. D'abord, il est interrompu maintenant, puisque depuis quelques années, les grandes villes Bordeaux, Fréjus, Toulouse, Perpignan, Montpellier ont abandonné la corrida, déjà, Edin. Ensuite, ininterrompu, d'abord, c'est très récent. À Mont-de-Marsan, ça a été qui est une des plus anciennes arènes de France. On a des comptes rendus que j'ai longuement travaillés pour 1893-1932. Donc, c'est relativement récent. C'est une implantation qui a réussi, mais qui n'est nullement traditionnelle. C'est lié évidemment à un accueil défavorable à l'animal. La sensibilité de l'homme envers l'animal a beaucoup changé, c'est certain. Alors, parlons des hommes, les toreros ou les matadors. Aujourd'hui, certains sont de véritables vedettes. Comment a évolué cette profession? On racontait dans le récit que les années 90, notamment, ont fait passer la tauromachie d'une pratique, culturelle tout de même, à un métier, le showbiz. C'était les années 90 le tournant ou pas? En effet, il y avait beaucoup de matadors à cette époque-là, et naturellement, le succès des matadors va de pair avec le succès ou l'insuccès des corridas. Actuellement, il y en a un, c'est Thomas, José Thomas, qui domine le marché. Et puis, nous connaissons un matador très compétent et même sympathique qui s'appelle Mehdi Savali. Eh bien, il est au chômage pour la bonne raison que toutes les villes que je vous ai citées ont abandonné, que le nombre est en chute libre et que même à Las Ventas, on compte 6 000 abonnés de moins. C'est quand même pas rien. Et à Nîmes, il y a eu la corrida de Primevère. Elle s'est fanée. Elle n'existe plus. Elisabeth, la baisse de 10%. Donc, évidemment, le succès et le succès financier du matador suit, ça peut pas être autrement, celui de la corrida. Elisabeth Ardouin-Fugier, est-ce que vous êtes fascinée, comme on peut l'être tout de même, par le courage et la bravoure des matadors? Parce qu'on imagine quand même... Ils sont ni courageux ni bravoure. Il y a situé, ce qui est d'ailleurs beaucoup trop, en Europe depuis 1950. Oui, enfin, heureusement, on n'est plus dans les jeux romains, quand même. De 2017, oui. Messieurs Fandino et Barrio, 2017. Je trouve ça navrant et je compatis, je me réjouis pas du tout. Mais sur le nombre de corridas situés depuis 1950, c'est bien moins dangereux que la haute montagne que j'ai pratiquée 30 ans. Bon, enfin quand même, quand on va marcher, fouler le sol d'une arène, je l'ai fait un jour, on s'imagine si le taureau arrive... Le sol de quoi, j'ai mal compris. D'une arène, d'une arène. Bah, vous baladez sur le sable d'une arène. Il n'y a pas de corrida, il n'y a pas de spectateur. Bien, et là vous vous dites... Si une bête comme ça arrive devant moi, enfin, il y a quand même une certaine bravoure, ou alors c'est une folie, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je ne le nie pas. Ah, bah voilà, moi, quand même. Je foutrais le camp, c'est clair. Oui, moi aussi. Je ne le nie pas, mais on les habitue tout petits, et puis, ils savent s'y prendre. Oui, bien entendu. Mais je ne dis pas le contraire. D'accord, non, mais c'était juste pour l'entendre oui, dire. Oui, quand vous même. Avez raison. Alors, il faut quand même un bon tour de main, un certain courage. Mais vous savez, on s'habitue aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, à votre avis, maintenant, l'attirance? Alors, certes, si cette attirance est moindre au fil du temps, c'est vrai, il y a encore une attirance d'un certain public pour la corrida. C'est quoi les ingrédients du plaisir pour ce public-là, selon vous? Moi qui suis prof, je pense que les gens ne savent pas. Déjà, j'ai mis tout mon pouvoir, tout mon travail pour que les gens apprennent. C'est pour ça que j'ai publié des bouquins. Voilà. Premièrement, ils savent pas, ils ne se rendent pas compte. Deuxièmement, ceux qui sont vraiment attirés, je pense que le bon vieux père Monod avait pas tort de dire, et même des maîtres de, je crois qu'on l'a enregistré, que c'était du sadisme. Alors, madame, pardon. Il est évident qu'on ne peut pas nier le rapport entre une activité sexuelle perverse, évidemment, et la vue du sang. Il y a malheureusement beaucoup de crimes qui le confirment. Donc, il y a malheureusement un intérêt, une activation de la perversité sexuelle ou de la sexualité en face de spectacles de ce genre. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et ben, c'est triste et il faudrait que ça cesse. Elisabeth Ardouin-Fugier, puisque vous avez évoqué Théodore Monod sur ce thème, eh bien, on va l'écouter. Hein, on l'écoute ensemble. C'est révoltant pour quelqu'un qui a quelques principes moraux de jouer sur la le goût que les gens ont pour le sang et le sadisme et de persécuter de malheureux animaux innocents. Alors il faut se débarrasser de cette abomination qui est récente en France. Et les gens croient que ça remonte à la préhistoire. Mais d'ailleurs quand même ça répondrait à la préhistoire, ça ne justifierait rien du tout. C'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle est bonne. La guerre est ancienne, elle n'est pas bonne. L'esclavage est ancien, il n'est pas bon. Il faut se débarrasser des traditions qui sont indignes d'un homme normal, un homme avec un H majuscule. Notre espoir, c'est l'Europe, parce qu'il y a des pays civilisés en Europe, dans le Nord en particulier. On arrivera à une directive qui supprimera cette honte du monde moderne. C'est notre espoir. Bon, bah pour l'instant, c'est pas le cas, hein, notamment de l'Europe. Donc le lobby tauromachique est fort. C'est ça que ça veut dire ? Elisabeth Ardouin-Fugier, à Lyon. Vous m'entendez ? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre à ça. Le lien tauromachique, je comprends mal votre question. Non, le lobby, je disais lobby, le groupe de pression tauromachique, puisque il n'y a pas encore de directive qui dit voilà, c'est interdit partout. Vous parlez de l'allusion qu'a fait Théodore Monod. Mais notamment. Théodore Monod a rêvé c'est que l'Europe. Anciens. Non, mais les groupes de pression actuels, il y en a plus tellement puisque la corrida quand même s'affaisse énormément au point que Simon Cazas envisage de transformer les arènes de Nîmes où d'ailleurs on donne de grands spectacles historiques assez rigolos qui remplissent très bien les arènes tout aussi bien que la corrida. Donc elle est en train de mourir de sa belle mort, si j'ose dire, la corrida. Oui, parce que on a le regard sur l'animal est, comme je le disais, la souffrance des non-verbaux, comme le disent les médecins, est de plus en plus connue. Alors, madame, on va écouter ensemble une archive, alors plutôt technique, parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui s'intéressent à la corrida, il n'est pas question de les exclure non plus, sur la sélection des taureaux et leur comportement. On va écouter Pierre Dupuis, c'est le directeur de la revue Taureau, interviewé par France Inter en 1984. Ce qu'il faut, c'est que le taureau, d'abord, il faut qu'il soit brave, c'est-à-dire qu'il charge le picador, il faut qu'il se montre, parce que c'est pour ça qu'il est élevé, pour la bravoure. Bien, maintenant, on le voit de moins en moins. On le voit de moins en moins parce que les gens n'aiment pas les piques, parce que les taureaux ont été affaiblis, parce qu'en fait, tout ce que vous voudrez, il y a de moins en moins de manifestations de bravoure dans les arènes. Mais ensuite, il faut que le taureau charge le leur, mais il faut qu'il mette de l'émotion dans cette manière de charger. Il est bien évident que s'il baisse la tête et puis qu'il tourne autour du taureau sans jamais manifester le moindre sentiment de bravoure ou de sauvagerie, la corrida à ce moment-là, ça devient une démonstration et malheureusement, c'est ce qu'on voit le plus souvent avec les vedettes actuellement. Alors ce monsieur semble nous dire que les taureaux sont moins forts et moins puissants qu'avant, ce qui rendrait, pour le coup, ça il le dit pas, mais enfin on peut en conclure, le combat encore plus inégal, c'est ce que vous entendez, vous aussi ? Je trouve ce propos, je l'ai bien connu, enfin entendu, entièrement anthropocentré. C'est-à-dire qu'il résonne comme si le taureau avait des sentiments humains. C'est pas du tout le cas. Ceci est une chose. Et tout le monde, j'entends les acteurs de la corrida, constate un affaiblissement, en effet, des bêtes que je sais pas expliquer, mais que tous les gens compétents dans la corrida mettent en avant. Quel est votre regard sur l'action d'associations comme le CRAC, par exemple, comité radicalement anti-corrida ? Eh bien, il reflète, avec quelquefois quelques abus de langage, mais enfin, il reflète une attente, enfin, un très grand mouvement. Une très grande demande d'un autre regard porté sur l'animal. Autrement, ils ne pourraient pas vivre ces mouvements. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, je retiens, comme vous, ce que disait le Cordobès lors d'une interview qu'on a passée dans le récit. Il disait « La bête qui me fait le plus peur au monde, c'est le micro, c'est pas le taureau. » Bah, nous, c'est le contraire, on va dire ça. Hein. Merci, madame, en tout cas, de vos éclairages et votre expertise sur ce point, la corrida. Merci, au revoir. Au revoir.